quelques minutes de Wish City, Galerie West. Hé les gars! Squeak, v'là Friedrich. La journée avait débuté normalement. Une journée ordinaire de creuseur ordinaire. Une journée à creuser. Salut les amis creuseurs! Je vous rappelle que vous devez signer vos 12 formulaires journaliers avant la pause déjeuner. Votre complémentaire santé a subi quelques modifications dernièrement, mais ne vous inquiétez pas, nous nous préoccupons de votre santé, amis creuseurs! Allez, creusez! Salut les gars! Bonjour Friedrich. Fais attention avec ta pioche, Friedrich. Je peux creuser à côté de vous, les gars? Non, parce que les autres du secteur 14, ils n'arrêtent pas de m'emmerder. Ils me jettent des pierres. Alors je cours vite pour les éviter, mais quand je reviens, ils en jettent encore. Squeak, qu'est-ce que t'en dis, Squeak? Hein? Ben, t'écoute pas. Aide-moi à trouver un truc. Friedrich, il veut bosser avec nous. Je n'avais pas la tête à trouver quoi que ce soit. Je regardais à l'est. À chaque coup de pioche que je donnais, j'avais l'impression de me perdre, de disparaître, de n'être rien de plus qu'une machine en fin de compte. Une machine à creuser la terre pour les autres Baefwish. Le grand trou, la porte vers un autre monde. Wish City. Hein, ce n'était pas mon monde finalement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Enfin, tu sais, c'est pas moi qui décide. Squeak, est-ce que tu crois que Friedrich peut bosser avec nous? Non, vraiment, est-ce que tu penses que c'est possible? Je sais pas comme tu veux. Le grand trou, il fallait que je retourne au grand trou. Au diable les rats, si les Baefwish n'étaient pas capables de s'en préoccuper, j'allais pas le faire. Je n'étais qu'un creuseur, après tout. Au diable les rats. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un exercice. Non, vraiment, là, je déconne pas du tout. Vous devez rejoindre tout vos baraquements. Le chantier 58B, situé au nord, vient de subir une attaque de... deux rats, semble-t-il. Il est donc recommandé à tous les autres chantiers de se regrouper dans les baraquements jusqu'à la fin de l'alerte. Merci de votre attention. Squeak, les rats. Et ils deviennent agressifs, vous trouvez pas? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui leur a piqué une pioche ou un truc de ce genre pour qu'ils nous en veuillent à ce point? Non, ils ne nous en voulaient pas. Ce qu'ils voulaient, c'était le grand trou, la porte vers l'autre monde. La liberté, peut-être. J'ai baissé la tête. Ça va pas, Squeak? On y était. La guerre commençait. Les Baefwish ne pouvaient plus fermer les yeux. Ce n'était que le début de la guerre avec les rats. Wish TV, l'info 38h sur 38 avec Monica Monico. Bonjour, l'info vient de tomber. Juste à l'instant, la galerie nord vient de subir une attaque de rats, oui. Des rats ont attaqué la galerie 58B. Les creuseurs ont de nouveau subi des pertes sérieuses. Tout de suite, la réaction du grand dirigeant. Alors que moi, ces champignons-là me donnent de l'urticaire. Grand dirigeant? Oui, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Les rats ont attaqué une de nos galeries, mais ne sombrons pas dans la paranoïa de suite. J'ai décidé de lever une armée pour assurer nos défenses, au cas où on ne sait jamais. Juste histoire de vous rassurer, Baefwish, de tout quartier et de toute classe sociale. Que la paix soit avec vous. Wish TV, l'info 38h sur 38. Hé, hey, y'a un tel qui a fait ça! Nous veillons sur ce qui se passe pour vous le redire juste après. Wish City, le palais. Restez dans votre chambre, Mademoiselle Mila. Ne faites pas ça, Mademoiselle Mila. Ne mettez pas vos doigts, Mademoiselle Mila. Faites pas ci, faites pas ça. J'en ai marre. Et si je veux aller dans ce coin du palais, je peux, moi. La preuve. C'est bizarre quand même. C'est tout froid ici. Tout blanc. Section scientifique. On a une section scientifique au palais? Oh oh. C'est étrange, professeur. Oui, je n'ai jamais vu ça, professeur. Cet animal a subi des modifications, c'est sûr. Oui, professeur, comme une mutation. Vous avez raison, professeur. Cet animal a subi comme une mutation. Une mutation? Ils viennent de cette salle. Oh, Mila, vous n'avez pas le droit d'aller dans cette salle. Vous cuez. Allez, hop. Non. C'est pas possible. Non loin de Wish City, le soir, je me trouvais devant la galerie Est, seul. Et de l'autre côté de cet amas de pierres mal disposées, ces blocs de roche qui bouchaient l'entrée de la galerie. Le grand trou dispersait sa lumière sur le chantier abandonné. Le grand trou, la porte vers un autre monde. Oui, c'était... Non, non, ce n'était plus mon monde. Pour eux, je n'étais rien qu'un creuseur. Je n'étais pas un baïfouiche comme eux, non. Je n'étais qu'un creuseur. Hé, Rosen, qu'est-ce qu'il a fait, Squeak ? Il rentre dans la galerie Est. Pourquoi ? Normalement, elle est bouchée, la galerie Est. Et si on se cognait un creuseur ce soir, les gars ? Ça vous tente ? Moi, ça me botte grave. Thank you.